Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Oui, François Mauriac a croqué la télévision. Meryl Moneghetti nous l'a rappelé l'été 2009 dans une série estivale, bien sûr l'été, intitulée « Mauriac croque la télé ». Elle a récidivé en 2010, l'été également. Mais en plus de François Mauriac, s'est intéressé à André Bazin, Emmanuel Berle, Maurice Clavel et Serge Danet. Oui, tout le monde, semble-t-il, a regardé la télévision pour la commenter, en signaler les qualités et les défauts et le sens. Tout de suite, André Bazin. Bazin croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec Lina, Serge Toubiana prête sa voix à André Bazin. Aujourd'hui, le mystère de la télégénie. Bonjour, l'auriez-vous imaginé, André Bazin a aussi été un téléspectateur assidu dès les tout débuts de la télévision, en un temps où pratiquement personne ne regardait le petit écran. Songez qu'en 1954, seulement 1% des ménages sont équipés en téléviseur. Comme pour la critique de cinéma, il est un défricheur et un merveilleux initiateur. Il publie sa première télécritique dans Radio Cinéma Télévision, l'ancêtre de Télérama, dès novembre 1952, l'année où le jeune François Truffaut, qui a trouvé en lui un père d'adoption, un père spirituel, emménage chez les Bazin. Le cinéaste lui rend hommage le 8 avril 1983 dans l'émission Apostrophe. C'était le plus grand critique de cinéma. Oui, vous dites d'ailleurs que c'est plus qu'un critique, c'est un écrivain de cinéma. C'est un écrivain de cinéma, c'est aussi davantage qu'un critique parce qu'il a été un animateur. Vous voyez, à l'époque de la Libération, le seul moyen de voir des bons films, c'était les ciné-clubs. Il a beaucoup contribué aussi à identifier le film au metteur en scène et à faire une critique plus exigeante. Pendant un an, à la Libération, il présentait par exemple une ou deux fois par semaine, Le Jour se lève, dans différents coins de la périphérie, en démontant le film, en expliquant comment c'était fait, en demandant aux gens de regarder le décor. Les producteurs du film lui avaient prêté du matériel, donc il expliquait le rôle de chacun. Voilà, c'est en ça qu'il était davantage qu'un critique. Passion, pédagogie, critique pragmatique, toutes les qualités qu'il met au service du cinéma se retrouvent dans les téléchroniques d'André Bazin. Il écrivait un peu partout, rappelle Serge Toubiana, un rythme effréné. Malgré une mauvaise santé, il s'est démené 12 ans de la Libération jusqu'à sa mort le 10 novembre 1958. Il y a chez Bazin un côté sportif, ce qui est un comble pour un habitué des sanatoriums. Écrire partout, en s'adaptant à chaque support, textes longs ou textes courts, textes théoriques ou textes éducatifs ou écrits critiques. Ces lignes sont aussi valables pour le petit écran. Bazin est chroniqueur pour Radio Cinéma, théorise pour France Observateur, Réforme et les Cahiers du Cinéma. Ce qui le fascine, c'est l'art de la présence au petit écran, art qu'il appelle télégénie et qu'il analyse ainsi. Réforme, 17 septembre 1955. Au risque de décevoir le lecteur, j'avouerai mon scepticisme quant à l'importance de la révolution artistique impliquée dans la télévision. Plus exactement, la télévision me semble, comme la radio, une acquisition capitale en tant que technique de reproduction et de transmission. Là réside sa principale vocation. Si le téléthéâtre, le télécinéma, les télévariétés ou même les actualités télévisées ne sont guère au fond qu'une adaptation d'autres arts ou moyens d'information, au truchement de la télévision, il est un domaine où celle-ci les surclasse tous, y compris la radio, c'est celui du témoignage humain, de la révélation individuelle. L'une des meilleures émissions télévisées est celle où Jean Thévenot demandait à des personnalités des arts, de la médecine ou des lettres de s'expliquer sur elles-mêmes devant la caméra. Mais il démontre maintenant, en s'adressant à des Français moyens, que les rois et les bergers, les génies et les esprits simples sont égaux devant la télévision de la même façon que nous le sommes tous devant la mort. C'est que la caméra de télévision est un extraordinaire révélateur humain. Si le mystère de la photogénie n'est plus guère invoqué aujourd'hui au cinéma, celui de la télégénie mériterait la réflexion conjointe du psychologue et du moraliste. Il serait sans doute bien trop simple, et en tout cas ridicule, de prêter à la télévision la sûreté de l'ange du jugement dernier, séparant infailliblement les bons et les méchants. Il est sûr que certaines personnes, justement sympathiques dans la vie, ne passeraient pas à la télévision, et que tels traits physiques peuvent être favorables ou rédhibitoires, mais ce qui n'est pas moins sûr, c'est que la télégénie n'est pas une affaire de beauté, d'adresse, d'aisance intellectuelle, mais qu'elle est toujours la révélation, sinon d'une ou plusieurs qualités morales, à tout le moins d'une certaine authenticité humaine. On imagine dès lors quel immense et intarissable trésor est offert à la télévision. C'est peut-être sa seule fonction spécifique, sa seule vocation véritablement particulière, mais elle suffit amplement à la justifier. La télévision, c'est d'abord l'intimité quotidienne avec la vie, le monde qui pénètre chaque jour dans notre foyer, non pour violer notre intimité, mais au contraire pour s'y imprégner et l'enrichir. Plus précisément encore, dans la variété infinie de cette révélation, la télévision favorise l'homme. Chaque fois qu'un être humain qui mérite d'être connu entre dans le champ de l'iconoscope, l'image se fait plus dense et quelque chose de cet homme nous est donné. André Bazin. C'était Bazin croque la télé, série de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Bruno Niewanski et Pascal Baronzelli. Bazin croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec Lina, Serge Toubiana prête sa voix à André Bazin. Aujourd'hui, Sacha Guitry, du cinéma à la télévision. Bonjour! Que diriez-vous de nous pencher ce matin sur l'esthétique du direct, apport indéniable d'un petit écran qui, même pour les documents enregistrés, met en place un art de la présence, un réalisme du direct, ce qui nous amène à parler des échanges possibles entre le grand et le petit écran, sur lesquels André Bazin s'est penché bien évidemment. Faites-vous partie de ces téléspectateurs qui ont passé 24 heures d'affilée devant leur poste pour suivre, comme en direct, les aventures de Jack Bauer quand Canal+ a proposé la saison 1 de 24 heures chrono en un seul morceau. Les cahiers du cinéma ne s'y sont pas trompés en mettant en couverture le célèbre agent tortionnaire l'été 2003. La série renouvelait le cinéma, le revivifiait, tout en réadaptant le split screen de l'affaire Thomas Crown de Jewison à Brian De Palma, entre autres. Sacha Guitry, précurseur, se promène d'un écran à l'autre pour notre plus grande joie. Dans sa série « Ce chez nous », il s'en explique en 1953, ouvrant des perspectives sur une collaboration fructueuse entre cinéma et télévision. L'idée m'est venue un jour que le cinématographe pouvait être employé de manière à donner au public des renseignements précieux sur des sujets qui l'intéressent, mais qui l'intéresseraient bien davantage encore s'il les connaissait mieux. Mis au service des arts, il m'a paru alors que cette lanterne magique pouvait faire merveille. J'ai eu la prétention, vous savez bien que je les ai toutes, hormis celle d'être modeste, oui, j'ai eu la prétention de vous offrir aujourd'hui une courte série de documents exceptionnels. Ah, ce cher Guitry. L'art du témoignage personnel triomphe à la télévision, c'est sa grâce. Et comme le souligne Gilles Delaveau dans son article « André Bazin, critique de télévision », il faut dès lors penser le cinéma avec le petit écran. Radio, cinéma, télévision, 11 janvier 1953. La dernière des trois émissions consacrée par Frédéric Rossif à l'œuvre cinématographique de Sacha Guitry a été l'une des plus passionnantes qui nous ait été donnée de voir sur un écran de télévision. Elle constitue aussi un modèle des combinaisons possibles entre la télévision et le cinéma. Sans doute, son intérêt venait-il d'abord de la valeur des documents présentés. On sait que Sacha Guitry, précurseur dès 1914 des portraits-films, qui se multiplient depuis quelques années, avait eu l'idée géniale de cinématographier quelques-uns de ses plus glorieux contemporains vieillissants. Edmond Rostand, Claude Monet, Saint-Saëns, Rodin, Renoir. Le Renoir que je vais vous montrer a 77 ans et il est très malade. Les rhumatismes ont déformé ses pauvres mains et bien qu'il souffre perpétuellement, il travaille sans cesse. Rien n'était plus émouvant que de voir cet homme, ce grand homme, plié en deux par la douleur et qui était obligé pour peindre de glisser ses pinceaux sous des bandelettes de toile dont on entourait ses mains, nouées comme des sarments. Et il continuait de peindre malgré tout. Et sa vision des choses était telle qu'elle était quand il avait 20 ans. Il n'avait aucune mélancolie et sans tristesse, il voyait chaque année refleurir les anémones qui n'avaient pas de secret pour lui. On comprend que ces 200 ou 300 mètres de pellicule soient aujourd'hui sans prix, qu'ils constituent en quelque sorte une pièce de collection dont il ne peut être fait qu'un usage attentif et exceptionnel. Ces documents bruts ont besoin d'être commentés, et par qui mieux que Sacha Guitry lui-même ? Bref, on voit tout ce qu'il y a d'unique dans une telle conjoncture. Seule la télévision peut la réaliser, car l'assurance d'un auditoire de 200 ou 300 000 téléspectateurs qui ne justifierait pas la réalisation d'un film de distribution commerciale est au contraire à l'échelle de cet événement plus intime, plus direct, qui est cette sorte de conversation illustrée avec les téléspectateurs. Sacha Guitry, visiblement, ne l'avait pas pris moins au sérieux que Frédéric Rossif. cet homme de théâtre qui croyait au cinéma en 1914, sait faire aujourd'hui confiance à la télévision. Saluons. Son commentaire abondant et soigné, parfaitement accordé à l'image et à ses entr'actes, en témoignait. Fort intelligemment, Sacha Guitry parlait dans son bureau de travail, ou plutôt dans ce décor reconstitué au studio avec quelques-unes des pièces originales qui l'ornent réellement. Ainsi était ménagée l'intimité qui est l'un des fondements psychologiques de la télévision. La télévision renseigne au cinéma les avantages, depuis longtemps oubliés par lui, d'une semi-improvisation du travail à chaud. Il peut exister, entre la télévision et le cinéma, plus qu'une collaboration, une véritable symbiose. Et ne cherchant à lui prendre égoïstement que ce qui lui est utile, la télévision peut infuser au cinéma une sève nouvelle. André Bazin. C'était Bazin croque la télé, série de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Bruno Niewdanski et Pascal Baronzelli. Bazin croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec Lina, Serge Toubiana prête sa voix à André Bazin. Aujourd'hui, télévision, sincérité et liberté. Bonjour, selon vous, le petit journal de Yann Barthès réalise-t-il l'oracle de François Mitterrand, paru dans l'Express du 2 janvier 1954, suite à la retransmission de l'élection de René Coty par le Congrès réuni à Versailles en décembre 1953, je cite. On imagine les conséquences qu'aura sur notre vie publique le démontage permanent du mécanisme parlementaire lorsque les citoyens pourront à tout moment examiner et vérifier la façon d'être de leurs élus. On y est. Et il faut déjouer les manœuvres des spin doctors et autres conseillers en communication pour s'y retrouver entre le message, les actions et la personnalité de nos chers élus. André Bazin, qui suit la montée en puissance du petit écran, se penche comme bien d'autres de nos télécritiques sur la façon dont les politiques s'adaptent à cette nouvelle forme de communication et commencent à user du média. C'est la campagne des législatives du 2 janvier 1956 qui a lancé le mouvement en donnant 5 minutes à chaque parti. De retour au pouvoir en 1958, De Gaulle utilise les fameuses conférences radio-télévisées pour présenter et expliquer sa politique les yeux dans les yeux. Française, Français, si avec mon gouvernement je vous appelle... Radio, cinéma, télévision... ...à répondre oui... 5 octobre 1958... ...et à le faire en masse de brancheurs... Le lecteur s'étonnera peut-être que je prenne cette fois-ci pour sujet de réflexion des émissions qui paraissent ne relever que du jugement politique... Mais c'est que tout ce qui se passe sur notre petit écran peut être jugé du point de vue de l'art de la télévision. La campagne pour le référendum, comme les émissions scientifiques, comme les spectacles dramatiques. Et peut-être même davantage dans la mesure où la télévision s'est révélée d'abord un art de la communication directe, d'homme à homme, face à face. C'est simplement au nom de la France, en vous demandant de choisir l'efficacité de l'État et l'unité nationale. Je suis sûr d'exprimer ce qu'ont souhaité à la nation tant et tant de générations qu'il a bâti au cours des siècles. À chacune, à chacun de vous, je confie le sort de la France. Vive la République ! Vive la France ! Chacun de nous aura pu méditer chaque soir sur les raisons de voter oui ou non au référendum, mais il aura pu aussi juger la façon dont chacun des propagandistes cherchait à le persuader. Le père Pichard avait jadis soutenu dans les colonnes de ce journal que la télévision était par essence démocratique, et en tout cas contradictoire comme moyen d'expression, avec l'envoûtement du cérémonial fasciste. Hitler était pensable à la radio, au cinéma, sur la place de Nuremberg, mais sa sorcellerie n'eut pas résisté à la propagande intime et directe du petit écran. Je n'oserais montrer tant d'optimisme, et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait un mauvais usage possible des pouvoirs de conviction de la télévision, qu'on songe à la scène du comité d'enquête dans Un roi à New York. Mais il est sûr que, sans aller jusqu'à l'extrême de la thèse, la télévision, considérée comme moyen de propagande, offre, si j'ose dire, une résistance spécifique, ou plus positivement, des garanties morales que ne présentent ni la radio, ni le cinéma. Pourquoi ? Parce qu'elle est par essence une technique de la sincérité. Nous avons souvent souligné ici la qualité particulière des émissions qui nous révélaient simplement des hommes, et ce n'est pas un hasard si le plus durable et le meilleur des programmes de télévision et paradoxalement Lecture pour tous, qui a apporté véritablement une dimension nouvelle à la critique littéraire, celle de l'homme. J'oserais dire que de la même façon, la télévision ces dernières semaines a apporté cette dimension à la politique. En nous parlant les yeux dans les yeux, sans trucage, chacun de ces délégués à la propagande était contraint à révéler quelque chose de lui-même. Si roué qu'il fût à la rhétorique du discours, il ne pouvait empêcher que nous sentions quelque chose de la sincérité ou de la conviction qui le portait. Ce n'était plus seulement l'idée qui comptait, mais la relation de l'homme à l'idée, et si cette relation ne jugeait pas l'idée, il arrivait qu'elle jugeât l'homme. Aussi bien, souvenons-nous qu'en Amérique, c'est la télévision qui a achevé McCarthy. André Bazin. C'était Bazin Crotte la télé, série de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Bruno Niewdanski et Pascal Baronzelli. Bazin Crotte la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec Lina, Serge Toubiana prête sa voix à André Bazin. Aujourd'hui, l'érotisme très sublimé du mythe de la princesse. Bonjour, êtes-vous encore bouleversé par l'apparition d'un visage sur votre petit écran ? Ces moments de grâce, quand même, à écrire François Mauriac, chasseur de visages en gros plan. Cette question vous paraîtra peut-être incongrue, mais à l'heure de Facebook et de ces millions de téléphones portables qui captent et affichent dans la seconde nos bouilles en long et en large, on peut s'interroger sur la capacité des visages à nous toucher encore. Et pourtant, il suffit d'un moment de grande communion en direct, d'une de ces beautés de hasard pour que l'émotion surgisse grâce à la télévision. Et c'est ce plaisir spécifique du petit écran que tente d'analyser André Bazin en 1954. C'est le seul et savoureux texte sur le jeune média qu'il a donné au cahier du cinéma, sa revue, fondée avec Jacques Doniol-Valcroz en 1951. Je vous laisse la surprise de son analyse de l'événement phare de cette télévision balbutiante, le sacre de la jeune Élisabeth d'Angleterre, en direct, le 2 juin 1953 et en Eurovision. Une nouvelle ère s'ouvre et comme le souligne le Figaro, la télévision, grâce au couronnement, a fait la conquête du grand public. Et sur un rythme étrangement lent, dans ce décor coloré où les rois d'armes, les écuyers, les chambellans et les pages s'animent comme les personnages d'une tapisserie du Moyen-Âge, commencent les cérémonies qui font d'une souveraine désignée par les lois une reine marquée du signe divin. Les Cahiers du cinéma, décembre 1954. Pour contribuer à une érotologie de la télévision. Il peut être commode, pour tenter de définir les données propres à une érotologie de la télévision, de la comparer au cinéma. Je crois qu'il existe, dans la seule présence directe des êtres sur l'écran, un facteur émotionnel qui ne demande, quand le sujet s'y prête, qu'à se teinter d'érotisme. De jolies femmes au cinéma, il n'en manque point. Mais il y a beau temps que les Baffing Beauties, ou plus généralement, la figuration affriolante, ne sont plus à l'écran qu'une figure de rhétorique, un simple élément décoratif. Je ne sais si ce sentiment passera avec l'habitude, mais il y a toujours, je l'ai constaté, quelque chose d'émouvant et même de troublant à la découverte d'une jolie fille dans le champ de la caméra de télévision. Par exemple, dans les émissions de variété d'André Gillois ou de Jean Nohain, j'ai remarqué une certaine brune, de taille mannequin, qui se tient en général discrètement dans un coin de la scène, prête à jouer les utilités. Remise de prix aux téléspectateurs gagnants du jeu de cache-tampon ou petite manutention élégante. Le caméraman ne cadre jamais sur elle. Elle n'apparaît dans le champ que fortuitement et toujours brièvement, mais il en est de cette charmante personne comme de la poule blanche qui traverse le coin de l'écran dans un documentaire sur la mouche tsetse et que les indigènes bantous ne manquent pas de remarquer au détriment de la prophylaxie et au grand désespoir des missionnaires. Sa présence quasi incongrue est l'image même de la grâce identifiée au hasard, de la part de Dieu ou du diable, dans les productions heureusement imparfaites de Jean Nohain et André Gillois. Mais mon exemple manque d'être probant dans la mesure où l'objet même est aimable ou évidemment désirable. Tout près des ducs royaux, la reine mère à la tribune royale garde près d'elle le petit prince Charles, le futur roi. L'instant solennel approche. On revêt la reine de la robe impériale et de la ceinture d'or. La voici prête à recevoir les insignes du pouvoir. Il faut prouver que l'érotisme peut naître de la seule présence, comme en peinture, de la qualité picturale et non de la beauté du modèle. Oserais-je prendre l'exemple limite du couronnement de la reine d'Angleterre ? Je n'aurais pas le mauvais goût qu'on se rassure de dire qu'il suggérait d'impures pensées, mais enfin, il y a un érotisme très sublimé du mythe de la princesse dont les contes populaires sont le témoignage. et fort bien exploité par Vacances romaines. Et voici l'instant suprême. L'archevêque de Canterbury prend la couronne de Saint-Édouard sur laquelle étincellent plus de 1000 pierres précieuses. Il l'élève à la vue de tous et la pose sur cette tête de 27 ans. Or, la télévision nous a permis de vivre des heures dans l'intimité d'une reine, je dis bien son intimité, d'abord parce que la télévision divisait le spectacle en millions d'images individuelles, mais surtout parce qu'elle nous en restituait la durée. En dépit de la mauvaise lisibilité de l'image, on pouvait deviner avec une indiscrétion bouleversante la progression de la fatigue sur le visage d'Élisabeth. L'instant fut extraordinaire où l'énorme couronne, cachant ses cheveux de femme, ce visage aux traits tirés, se mit soudain à ressembler à celui du roi défunt. Tel qu'en lui-même, la royauté le changeait. André Bazin. C'était Bazin croque la télé, série de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Bruno Niewdanski et Pascal Baronzelli. Bazin croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec Lina, Serge Toubiana prête sa voix à André Bazin. Aujourd'hui, les variétés et l'abêtissement. Bonjour, que pensez-vous des animateurs de télévision? Avez-vous un avis ou préférez-vous ne pas vous étendre sur ces bêtes de cirque narcissiques qui n'aimeraient qu'elles-mêmes, comme le dit Serge Danet, sur ces personnages plus ou moins lisses qui semblent traverser un demi-siècle sans presque changer d'horaire ni une mèche de cheveux, miracle de l'amour du public pour ce qui serait devenu une institution? Si André Bazin partage avec les autres télécritiques un certain rejet pour les émissions de variété, notons que Jean-Christophe Averty n'est pas encore arrivé pour bousculer le genre et susciter les passions, Bazin, lui, demeure fidèle à son projet d'analyse constructive. Ainsi, chacun de ses textes montre comment l'exercice critique permet la défense du public et doit stimuler le goût sans condescendance ni complaisance. Il se penche sur le cas de Jean Nohain, qui avant Guy Lux et bien d'autres déchaîne les critiques contre lui. Le célèbre parolier de Mireille, dit Jaboun, présente en 1956 Marcel Hamon dans 36 chandelles, puis fête en public ses 59 ans en présentant un sketch qui sur une rue de 1900, la grande année de sa naissance. Et maintenant, Julot, poil dans la main, l'une de vos œuvres impérissables qui va être évoquée par notre charmant ami Marcel Hamon. Julot, poil dans la main. France Observateur, 26 juillet 1956. Les variétés constituent par excellence les émissions publiques, au double sens du mot, c'est-à-dire qu'elles sont généralement réalisées devant un public réel et d'autre part qu'elles bénéficient de la plus large écoute. Il n'est pas douteux qu'avec les reportages sportifs et d'actualité, les émissions de variété sont celles qui font vendre le plus de postes récepteurs. Mais ces émissions sont aussi, il faut bien en convenir, les plus difficiles à réussir, du moins si l'on veut bien partir du principe que la popularité, condition nécessaire, n'est pas suffisante pour justifier une émission. Les exemples ne manquent pas, hélas, de sottises payantes, et c'est évidemment ce succès statistique exprimé par les sondages et le courrier des auditeurs qui explique la survie intellectuellement scandaleuse d'émissions dont la médiocrité est depuis longtemps aussi bien connue que les cycles de la Lune. Alors, voulez-vous approcher, messieurs et mesdemoiselles? Non, non, les jeunes d'abord, venez un petit peu. Je voudrais vous poser quelques questions. Quel âge as-tu, toi, en 1900? 9 ans. T'as 9 ans en 1900? Comment c'est ton petit nom? Antoine. Antoine comment? Antoine Pinet. Antoine Pinet! Et qu'est-ce que tu voudrais, mon grand? Ministre des Finances. Tu voudrais être ministre des Finances? Tu veux pas que je te prête un peu d'argent? Oui. Combien? Vous pouvez me prêter 10 francs. 10 francs, d'accord! Quel âge avez-vous? 10 ans. 10 ans? Mais vous êtes grand pour votre âge! Mais quel est votre petit nom? Charles. Charles comment? Charles de Gaulle. Mon général, très heureux de vous serrer la main! C'est la personnalité de Jean Nohain qui rend supportable une émission connue, 36 chandelles, indéfendable dans son principe. Il serait trop long de reprendre ici le procès du phénomène Nohain, aussi bien dans France Observateur ne prêcherais-je à coup sûr que des convaincus. Le succès de Jean Nohain est un phénomène de psychologie sociale profondément attristant, mais c'est un fait qui trouve dans l'assentiment quasi universel une sorte de justification de fait, sinon de droit. La grande force de Jean Nohain réside dans une conjoncture paradoxale. Cet homme intelligent et cultivé est merveilleusement à l'aise dans la niaiserie, mieux encore et surtout, il ne méprise pas la bêtise, en sorte que c'est en toute sincérité et comme par apostolat qu'il exploite les inépuisables potentialités de sottises attendries et bonasses de 44 millions de Français. On a compris que je ne juge pas mes concitoyens du haut de ma tour d'ivoire. En tout homme même cultivé, même intellectuel, il y a un imbécile qui sommeille. L'abêtissez-vous de Pascal n'a pas qu'un sens ascétique. Le génie de Nohain, c'est d'être vulgaire sans vulgarité, mais avec finesse, douceâtre sans fadeur, et par-dessus tout de faire avec bonhomie et sans cynisme le jeu de la sottise petite bourgeoise. Son cas est donc très différent de celui des animateurs qui s'abaissent sciemment vers un public qu'ils n'aiment et n'estiment pas vraiment. C'est pourquoi, quoi qu'on pense moralement et intellectuellement des émissions de Nohain, on ne peut disputer à leur auteur une certaine estime personnelle et professionnelle. Cela dit, il demeure encore que pour moitié au moins, les 36 chandelles sont heureusement composées de numéros de music-hall, souvent de bonne qualité, mais qui pourraient fort bien être récupérés autrement. André Bazin. C'était Bazin croque la télé, série de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Bruno Niewdanski et Pascal Baronzelli. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France Culture du 2 au 6 août 2010. Thank you.